Ernesto Guevara, Guevara, Guevara, Ernesto Guevara, surnommé le Che, le grand Che Guevara. Dans la devise était triompher ou mourir. Ces combats, c'est la soif de justice qui les a nourris. Internationaliste, quand le peuple est pris pour cible, sois réaliste, exigeant l'impossible. Ne jamais baisser les bras, même quand tu te vautres. Un soldat a toujours marché, la tête haute, commandant des colonnes armées de la guérilla. Faillant sous les feux des tranchées de la Sierra. Depuis 67, sa voix nous guide vers ses livres. La couleur de mon combat vers Olive. Tu seras libre, rêve, et tu seras libre. Tel était un des slogans du Che. De chacun pour soi devait finir sur un bûcher. Toujours proche du peuple, des prolétaires. La vie d'un humain n'a pas d'équivalent en valeur monétaire. Porteur de la révolution à la Havane, un leader guide, mais suis pas tel une caravane. Peu attiré par l'odeur du billet, mais fortement par celle du mouvement du 26 juillet. Le Che un porte-drapeau dont on est fier. Son action restera jamais un cri de guerre. La lucha sigue.